N'oublie pas qu'on nous dit pas tout. Le monde est à nous, tant qu'on a des sous. Bon allemand, je suis solitaire. Je vais briser son petit cœur. Elle va prendre des somnifères. Je vais encore m'en foutre plein les poches. Demander pardon à l'orage. Je perdrai encore des proches dont je vais oublier le visage. Au début, c'est vrai, j'ai pas tué la feuille pour entrer mes nattes. Au début, je suis parti sans rien et puis je suis revenu solvable. Je la coupe à la lactose, je la coupe au bicarbonate. J'ai la même fouca 14, mais là je dors sur le 47 hack. Près de ma main pour toujours, être vrai, rester vrai. Viens, on s'aime en secret, loin de ceux qui vont mes pieds. Je déronge, je fais des bêtes, surtout je fais des durs. Par à la maman, pense qu'on en a qu'une. Si je te donne mon cœur, c'est que je te donne ma vie. Je t'emmène sur la ligne à Marie. Ma solitude, sur la pluie, dans l'oubli. J'parle au cap, le ciel est gris. J'vois mon sourire, sans sombrir. Moi, ma solitude, sous la pluie, dans l'oubli. J'parle au cap, le ciel est gris. J'vois mon sourire, sans sombrir. Mis une rose dans mon canon, je suis devenu romantique. Pique fumée dans les nasons, je recrache comme un automatique. Une équipe dans le camion, le bâtiment est encerclé. 99 de pureté, pour une grosse peine de survie. Mon pilon vient des collines, on a commencé dans les pestus. 5 grammes dans le custy, 6,35 dans le pestri. On est béni, on est maudit, on a grandi comme des miskines. Moi j'ai méchant depuis tout petit, et grimpe quand même dans le Audi. Mon père m'a appris la justice, la rue m'a appris le pouvoir. Les femmes m'ont appris la luxure, les ruptures, les champagnes. J'suis noyé dans ma solitude, regarde tourner vers la net. Si tu tournes un mec, oh. Après viendra le pire, enfin peut-être qu'il y a pire. Mais j'pourrais pas revenir, pour pouvoir te le dire. Oh, oh, oh. Ma solitude, sous la pluie, dans l'oubli. J'parle au cap, le ciel est gris. J'vois mon sourire, sans sombrir. Moi, ma solitude, sous la pluie, dans l'oubli. J'parle au cap, le ciel est gris. J'vois mon sourire, sans sombrir. Je ne trouve pas le sommeil, j'suis dans ma solitude. Les nuits se ressemblent, j'suis dans ma solitude. Je repense aux gens que j'verrai plus. J'me noie dans ma solitude, dans ma solitude.